الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue à la lecture de la conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan sur le fait de méditer le Coran. Donc il dit ثالثا لا يكفي منا نتعلم القرآن الكريم ونتلوه ونكثر من تلاوته لا يكفي هذا بل لابد من التدبر والتفكر في معانيه وأسراره وما عرفنا به من أسماء الله وصفاته وعظمته وما قصه علينا من أخبار الأمم السابقة المؤمنين والكافرين. Il dit troisièmement, il suffit pas d'apprendre le Coran et de le lire et de le lire beaucoup, mais en plus il faut réfléchir sur le Coran et méditer sur le Coran, sur les significations du Coran et sur les secrets du Coran et ce qu'Allah nous a appris à propos de lui-même, comme ses noms, ses attributs et sa grandeur, et ce qu'il nous a raconté sur les récits des communautés passées, qu'ils soient musulmans ou mécréants. وما حل بالمكذبين والمجرمين وما أكرم الله به المؤمنين الطائعين وكذلك نتدبر أخباره عن اليوم الآخر وما فيه من الحساب وما فيه من وزن الأعمال وما فيه من تطاير الصحف وما فيه من الجنة والنار وما فيه من الأهوال العظيمة وكذلك نتدبر ما يكون بعد الموت وما يكون في القبر ولقد ذكر لنا القرآن وهذا مفصلا وهو أمر مستقبل نحن قادمون عليه من أجل أن نستعد له بالأعمال الصالحة ونتجنب الأعمال المحرمة وكذلك نتفكر في أحكامه الشرعية فقد بينا ما يحل لنا وما يحرم علينا وما ينبغي لنا وما لا ينبغي لنا من الأفعال والصفات وغير ذلك. Et aussi, donc on réfléchit sur ce qui est arrivé aux gens qui ont démenti le message d'Allah et aux mécréants, et ce par quoi Allah il a honoré les croyants et ceux qui obéissent à Allah Azzawajal. Et aussi on réfléchit à ce qu'Allah nous a appris à propos du jour du jugement et le fait qu'au jour du jugement il y aura le compte des actions et le fait que les actions elles seront pesées et que les feuilles dans lesquelles il y a les comptes de chacun ils seront dépliés, et aussi le paradis et l'enfer qui est cité dans le Coran, et aussi par rapport au jour du jugement toutes les grands malheurs qui vont être au jour du jugement et tout ce qui est après la mort et ce qu'il y a dans la tombe, tout ça le Coran il nous l'a expliqué de façon détaillée. Or c'est quelque chose vers lequel on va de façon sûre, c'est-à-dire la mort et tout ce qu'il y a après elle. Donc il nous a informé à tous ces sujets pour qu'on se prépare à tout ça, à tout ce qui est après la mort et au jour du jugement, par les bonnes actions et en évitant les mauvaises actions. Et aussi on médite sur le Coran, sur l'ahkam, c'est-à-dire le Coran il est soit akhbar, soit ahkam, c'est-à-dire soit il nous informe de quelque chose, ou soit il nous dit des règles. Donc on doit aussi réfléchir sur les règles, parce que le Coran il nous a montré tout ce qui nous est licite et ce qui nous est illicite, est-ce qui convient aux musulmans, est-ce qui ne leur convient pas parmi les actes et les caractères. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Comme il est dit dans ce verset, un livre que nous t'avons descendu, mubarak, ça veut dire il est rempli de bien, pour qu'ils méditent sur ces versets et pour que ceux qui sont intelligents se rappellent. فبين الله في هذه الآية الهدف من إنزال القرآن وهو أن نتدبر آياته بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها وأسرارها وأخبارها حتى نستفيد منها الهداية ونستفيد منها خشية الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له ونعرف ما نأتي وما نترك من الأعمال والأقوال والمعاملات وغير ذلك ولا يتم هذا ولا يحصل إلا بتدبر القرآن. Donc Allah nous a montré dans ce verset que le but de la descente du Coran, c'est qu'on réfléchisse sur le Coran et qu'on médite le Coran. C'est-à-dire qu'on réfléchisse sur les significations du Coran, les secrets du Coran, les informations, c'est-à-dire les récits du Coran, pour qu'on en profite une guidée. C'est-à-dire le résultat de cette réflexion, ce sera la guidée. Et qu'on en récolte aussi la crainte d'Allah Azzawajal et le fait d'adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit, et de connaître ce qu'on doit faire et ce qu'on ne fait pas parmi les actes, parmi les actions et parmi al-mu'amalat, c'est-à-dire les rapports sociaux entre les gens. Et tout ça, ça n'arrive que par la réflexion sur le Coran. ووصف الله تعالى القرآن بأنه مبارك ففيه البركة بكل معانيها فمن يتدبره يحصل على هذه البركة ومن تعلمه يحصل على هذه البركة ومن قرأه وتلاه يحصل على هذه البركة ومن عمل به حصل على البركة وكلما قربت منه قربت منه حصلت على هذه حصلت طلب وكلما قربت منه حصلت على هذه البركة. Donc Allah il a qualifié le Coran comme étant mubarak, ça veut dire il est plein de baraka. Baraka, c'est-à-dire le bien et l'augmentation du bien et la perduration du bien dans une chose ou dans un endroit. Donc dans toutes ces significations, donc celui qui réfléchit sur le Coran, il acquerra cette baraka, et celui qui l'apprend aussi, et celui qui le lit et qui le met en pratique, tous ceux-là, ils auront al-baraka. Et plus tu te rapproches du Coran, et plus tu auras de baraka. وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالله يستنكر على هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وأنه قد سبب لهم هذا الإعراض الحيرة والضلالة ولو أنهم تدبروا كتاب الله وأقبلوا عليه وتأملوا فيه لحصلت لهم الهداية ولانتقلوا من حالة الشقاء إلى حالة السعادة. Donc dans un autre verset, il est dit « Ne méditent-ils pas sur le Coran, car s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences. » C'est-à-dire, si le Coran venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils auraient trouvé dedans des contradictions. Donc il dit, Allah ici, il blâme ceux qui se sont détournés du livre d'Allah, azzawajal, et ce détournement, il a causé chez eux le doute et l'égarement. C'est-à-dire, une fois qu'ils se sont détournés, et ils n'ont pas lu le Coran, ils n'ont pas réfléchi sur le Coran, ça a causé chez eux l'égarement. Et s'ils avaient médité sur le livre d'Allah, et qu'ils s'étaient retournés vers le livre d'Allah, et qu'ils avaient réfléchi dessus, ils auraient acquis la guidée, et ils se seraient déplacés de la situation difficile, c'est-à-dire du malheur au bonheur. C'est-à-dire, ils seraient sortis de la situation du malheur et de l'égarement vers la situation du bonheur et de la guidée. ولو تدبروه لعرفوا أنه كلام الله لأنه لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والصدق والإعجاز. Et il dit aussi, s'ils avaient médité sur le Coran, ils auraient su que c'est la parole d'Allah, parce qu'il ne se contredit pas, et le Coran, il rend véridique chacun des morceaux du Coran, rend véridique les autres morceaux du Coran, et les morceaux du Coran s'expliquent les uns les autres, et les morceaux du Coran se ressemblent les uns les autres dans le al-balara, c'est-à-dire la façon d'exprimer les choses, de savoir exprimer les choses, et dans la vérité et dans l'i'jaz, c'est-à-dire dans l'aspect miraculeux du Coran. فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُوَضِّحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فهو كتاب متآلف ومتشابه قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran, mais le Coran ne se contredit pas, et le Coran s'éclaircit lui-même. Certains versets éclairent d'autres versets. Donc c'est un verset, c'est un livre متآلف, c'est-à-dire un livre qui ne se contredit pas. Comme Allah il a dit dans le Coran, Allah a descendu la meilleure parole, un livre mutashabih, ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil husni wal itqan was sidq wa yufassiru ba'dahu ba'dan wa laysa fihi ikhtilaf abada. Un livre mutashabih, c'est-à-dire qui se ressemble, c'est-à-dire que le livre se ressemble, ces versets ressemblent à ces autres versets dans al husn, c'est-à-dire la beauté, et dans al itqan, c'est-à-dire la perfection, dans la véracité. Et le livre s'explique, c'est-à-dire les parties du livre expliquent les autres parties du livre. Donc c'est un livre qui ne se contredit pas. بخلاف كلام المخلوق فإنه يوجد فيه الخلل لأن المخلوق ناقص وفيه تناقض وربما يكذب بعضه بعضا. Contrairement à la créature, parce que la parole des créatures, il y a toujours dedans le khalal, il y a toujours dedans des erreurs, il y a toujours des fautes dedans. Puisque la créature, elle est diminuée, elle n'est pas parfaite, contrairement à Allah Azzawajal, et donc il y a toujours en elle de la contradiction à tel point qu'elle peut parler, et certaines de ses paroles démente ses propres paroles ou contredit ses propres paroles. Amma kalamul khaliq jalla wa ala fa innahu munazzahun an dhalik huwa kitabun mutqanun muhkamun laysa fihi khalalun wa laysa fihi naqsun wa laysa fihi tanaqud mimma yadullu ala annahu tanzilun min hakimin hamid qala Allah ta'ala kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Donc contrairement à la parole du créateur qui est loin de tout ça, loin de toute contradiction, mais c'est un livre parfait, muhkam, c'est-à-dire il est sans contradiction et parfait, et il n'y a aucune faute et aucune erreur dedans, et aucune diminution dedans, et aucune contradiction, ce qui montre qu'il est descendu de la part de Al-Hamid, Al-Hakim Al-Hamid, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, comme il a cité ici un verset, qui montre que, c'est-à-dire Kitab Uhkimat Ayatu, un livre dont les versets ont été entre guillemets, uhkimat, c'est-à-dire elles ont été perfectionnées. C'est-à-dire c'est dur, un petit peu dur à traduire. Le verset, il est dans Surat Hud, le premier verset. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بِتَدَبُّرٍ وَتَمَعُونٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ وَتَفَكَّرْتَ فِي مَعَانِيهِ فَإِنَّهُ يُزِيلُ عَنْكَ أَوْهَامًا كَثِيرَةً وَوَسَاوِسَ عَظِيمَةً. Donc quand tu lis le Coran avec méditation et avec la présence du cœur, tu réfléchis sur les significations du Coran, il va enlever de toi beaucoup d'erreurs que tu avais dans ton esprit et beaucoup de wasawis, c'est-à-dire beaucoup de ce que Shaitan peut t'insuffler. Et il va ramener dans ton cœur la sérénité et il va renforcer ta foi. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc dans le verset il est dit dans sourate Al-Anfal au tout début, les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, et quand on leur lit les versets d'Allah, ça augmente leur foi et qui font confiance à leur Dieu. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce qu'on leur a donné, ceux-là sont les vrais croyants, ils ont des degrés auprès de leur Seigneur, et un pardon, et beaucoup de risques. Risqun karim, c'est-à-dire des donations entre guillemets nobles d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire des récompenses. Donc Allah il a bien dit ici, il a cité ceux qui ont accompli la foi complète, al-mu'minuna haqqa, comme étant des gens qui, quand le Coran il est lu, là, ça fait augmenter leur foi. Donc contrairement à malheureusement beaucoup d'entre nous maintenant, quand le Coran il est lu, c'est-à-dire ça ne fait rien chez lui. Des fois au contraire ça le repousse. Alors que ceux qui ont la foi complète, et donc c'est tout ce qu'on espère tous devenir, quand le Coran il est lu, ça augmente leur foi. Mais ça c'est un des fruits de la méditation du Coran. C'est-à-dire sans réfléchir sur le Coran, ça ne peut pas venir. فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ مَعَ تَدَبُّرِهِ وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ تَزِيدُ فِي إِيمَانِ الْعَبْدِ. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Donc la lecture du Coran avec réflexion augmente la foi de la personne, et il est dit dans sourate At-Tawba, en ce qui concerne, c'est-à-dire quant à ceux qui ont cru, elles augmentent leur foi, c'est-à-dire les versets. Ces versets les augmentent dans leur foi, وهم يستبشرون, et ils se réjouissent de la descente des versets. وكلما أكثر الإنسان من تدبر هذا القرآن فإنه يزيد إيمانه ويزيد يقينه ويطمئن قلبه ويزيد علمه وفقه فإنه لا يشبع منه العلماء ولا تفنى عجائبه. Il dit, plus l'être humain il lit ce livre et il réfléchit sur ce livre, plus sa foi l'augmente et sa certitude, et plus il trouve la sérénité dans son cœur, et sa science et sa compréhension de la religion aussi elles vont augmenter. Et c'est un livre dont les ulama ne se passent pas, c'est-à-dire ils sont jamais rassasiés de la lecture du Coran, et dont les choses étonnantes elles ne se comptent pas, c'est-à-dire tu te lasses jamais du Coran. وقال سبحانه وتعالى في الرد على المرتدين والزائرين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Donc dans des versets, Allah dit, si vous vous détournez, vous allez semer la corruption sur terre et vous allez couper vos liens de parenté. Voilà ce qu'Allah a maudit, qu'il a rendu sourd et aveugle. Ne médite-t-il pas le Coran, ou est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur. ولو أنهم تدبروا القرآن لزالت عنهم كل هذه الأمراض وهذه العوارض القبيحة. Et si donc Cheikh Al-Fawzan dit, s'ils avaient médité sur le Coran, toutes ces maladies et toutes ces mauvaises qualités qu'ils ont, elles seraient parties d'eux. وَلَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ وَوَصَلُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ. Et ils auraient relié leur lien de parenté. La parenté, c'est-à-dire la visite des proches, et ils auraient lié ce qu'Allah a ordonné de lier. وَلَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et ils auraient obéi à Allah et à son messager. وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوهُ ابْتُلُوا بِهَذِهِ الْمَصَائِبِ فَابْتُلُوا بِالْقَطِيعَةِ وَحَقَّتْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَوَقَعُوا فِي الرِّدَّةِ كُلُّ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ. Mais comme ils se sont détournés du Coran et qu'ils n'ont pas médité sur le Coran, ils ont été éprouvés par ces grands malheurs et ils ont été éprouvés par le fait de tomber dans le péché, de couper les liens de parenté, et ils ont mérité la malédiction d'Allah, et ensuite ils sont tombés dans Ridda, c'est-à-dire ils sont sortis de la foi et de l'islam. Tout ça, et la cause de tout ça était le fait qu'ils se sont détournés du Coran et de la méditation du Coran. وَأُغْلِقَتْ قُلُوبُهُمْ عَنِ الْفَهْمِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Et leurs cœurs, ils ont été fermés pour qu'ils ne puissent plus comprendre. فَالْإِنسَانُ إِذَا أَعْرَضَ عَنِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ قَلْبَهُ يَقْسُو وَيَمْرُضُ وَفِي النِّهَايَةِ يَقْفُلُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْهُدَى. Donc l'être humain, quand il se détourne du Coran, son cœur il devient dur, il devient malade, et à la fin il devient fermé, et la lumière et la guidée, elles ne peuvent plus y rentrer. C'est un châtiment pour cette personne. Donc il dit tout ça par le fait qu'il s'est détourné du fait de méditer sur le Coran. Et là, il cite une parole de l'imam Ibn Qayyim dans un vers de poème qui dit « Réfléchis, médite sur le Coran si tu veux être guidé, parce que la science est sous la méditation du Coran. » La science est en dessous, c'est-à-dire c'est un fruit de la méditation du Coran. Rabi'an, quatrièmement, « La yakfi minna an nata'allama al-Qur'an wa an natlu al-Qur'an wa an natadabbar al-Qur'an. » بل لابد من الأمر الرابع وهو العمل به بمعنى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونتقيد بأوامره ونتجنب ما نهانا عنه. Quatrièmement, il ne suffit pas donc d'apprendre le Coran et de lire le Coran et de réfléchir sur le Coran, mais il faut aussi une quatrième chose qui est d'agir conformément au Coran, c'est-à-dire de rendre licite ce que le Coran a déclaré licite et d'interdire ce que le Coran a interdit et de se conditionner par les ordres du Coran et d'éviter les interdits du Coran. وهذا هو المقصود وما سبق من تعلمه وتلاوته وتدبره كله وسيلة إلى العمل. Donc c'est ça en vérité le but dans tout ça, et tout ce dont on a parlé précédemment, qui est le fait d'apprendre le Coran et de lire le Coran et de réfléchir le Coran, ce n'est qu'un moyen pour arriver à l'acte, c'est-à-dire à agir et à appliquer le Coran. Amma idha iqtasarna 'ala at-tilawati wat-tadabburi wa tarakna al-'amala fa innana waqafna fi awwal at-tariq wa lam nahsul 'ala shay'in wa sara ta'buna la fa'idata minhu لأننا أتعبنا أنفسنا في السبب وتركنا الثمرة لأن الثمرة هي العمل بالقرآن. Donc il dit, si on se contente de lire le Coran et de réfléchir sur le Coran, mais qu'après on n'applique pas les actions, alors on s'est arrêté au début du chemin et on va rien gagner. Et notre fatigue, elle aura servi à rien, puisque on se sera fatigué dans la cause et on a délaissé le fruit, puisque le fruit c'est d'agir. C'est-à-dire on s'est fatigué à lire le Coran et à méditer sur le Coran, donc on a fait la cause et on s'arrête au lieu d'aller jusqu'au bout et de prendre le fruit de la méditation qui est le fait d'appliquer le Coran. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Donc là c'est le verset où il est dit, on a déjà cité, ceux qui lisent le livre d'Allah et qui accomplissent la prière et dépensent de ce qu'on leur a donné en cachet et en public, ceux-là espèrent une récompense qui ne s'épuise pas, pour qu'Allah leur donne pleinement leur récompense et leur augmente de sa grâce. C'est-à-dire, il leur donne leur récompense et en plus il rajoute, il est le pardonneur, le reconnaissant. فَإِلْ آيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى التِّلَاوَةِ بَلْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ قَامُوا بِتِلَاوَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ. Donc ceux-là, dont Allah il a parlé, ils ne sont pas contentés de lire le livre, mais ils ont accompli la prière après avoir lu le Coran. Donc Allah dit bien, ils ont lu le Coran, ils lisent le Coran et ils font la prière. Et aussi ils ont dépensé de ce qu'Allah leur a donné en donnant la zakat et en donnant les différentes aumônes et en faisant le bien envers les créatures d'Allah. Donc c'est ça le fruit de la méditation du Coran, c'est de d'agir conformément à ce qu'il y a dans le Coran. لأنك إذا عملت به صار حجة لك عند الله سبحانه وتعالى وإذا عطلت العمل به صار حجة عليك قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك يسألك الله عنه يوم القيامة فيقول سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Donc si tu agis conformément au Coran, le Coran sera un argument pour toi au jour du jugement devant Allah Azza wa Jalla. Mais si tu ne pratiques pas le Coran, alors il sera une preuve contre toi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, le Coran il est une preuve pour toi ou contre toi. Et Allah il dit à propos dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah il va te questionner à ce sujet au jour du jugement, comme il est dit dans le verset, mes versets n'étaient-vous pas lus devant vous et vous les démentiez. وَقَدْ كَانَتْ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَقَدْ كَانَتْ آيَةِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Dans un autre verset, Allah il dira, mes versets vous étaient lus et vous vous détourniez, c'est-à-dire vous vous retourniez. Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamati yaqulu lil-kafara wa ashabi an-nar alastu qad bayyantu lakum fil Qur'an al-Karim hadha al-masir wa hadhihi al-aqibah min ajli an tatajannabuha wa min ajli an ta'malu al-a'mal as-salihah. Donc Allah au jour du jugement il dira aux mécréants et aux gens de l'enfer, ne vous ai-je pas montré dans le Coran ce destin, c'est-à-dire ne vous ai-je pas montré que le futur ça allait se passer comme ça pour que vous évitiez ça et pour que vous fassiez les bonnes œuvres qui vous sauveraient de ce châtiment. فمن اقتصر على تعلم القرآن وتلاوة القرآن وتدبره ولم يعمل به فهذا أقام الحجة على نفسه. Donc celui qui se contente de lire le Coran, de l'apprendre, de le réfléchir dessus, mais sans l'appliquer, alors cela il a mis une preuve contre lui et il a mis un argument contre lui. ولهذا يقول بعض السلف ربي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قالوا وكيف ذلك؟ قال يقرأ قال الله قول الله سبحانه وتعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. C'est pour ça certains des anciens disaient, certains lecteurs de Coran ils lisent le Coran et le Coran il les maudit. Les gens ils leur ont dit comment est-ce possible, et il a dit c'est que la personne elle lise le verset d'Allah. Nous mettons la malédiction d'Allah sur les menteurs et il ment. Ou alors le verset où Allah il dit la malédiction d'Allah sur ceux qui sont injustes et lui il commet l'injustice. Donc c'est-à-dire il lit le Coran et il fait l'inverse de ce qui est dedans. فَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ هُوَ مُجَرَّدُ التَّغَنِّي بِأَلْفَاظِهِ وَالتَّلَذُّذِ بِالصَّوْتِ الْجَمِيلِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكْفِي وَلَا يُفِيدُ كما يفعل بعض الناس اليوم فقد اتخذوا تلاوة القرآن حرفة للتطريب وللتشنيف الأسماع يتلذذون بسماع القرآن ويلذذون آذانهم ولكنهم لو سئلوا عن العمل والتطبيق لم تجد إلا القليل فهذا لا يكفي ولا يفيد. Il dit donc, ce qui est voulu dans la lecture du Coran, c'est pas juste de réciter avec une belle voix c'est-à-dire de réciter avec une belle voix ou d'écouter les belles voix qui récitent le Coran. Il dit ça suffit pas et c'est pas profitable, comme certains maintenant ils l'ont fait, c'est-à-dire ils profitent du Coran que de l'écouter et de jouir du fait d'écouter le Coran. Donc, c'est-à-dire, ils aiment écouter le Coran et ils passent du temps à ça. Mais si tu leur demandais quelle application tu fais, et est-ce que tu agis conformément au Coran, tu trouveras le peu d'entre eux qui appliquent ce qu'ils sont en train d'écouter. Donc ça, c'est beaucoup maintenant chez les musulmans, c'est-à-dire, ils aiment bien écouter le Coran comme une musique en vérité, parce que c'est beau, etc. Mais ils ne cherchent pas à comprendre ce qu'il y a dedans, ni à appliquer ce qu'il y a dedans. نعم مطلوب تحسين الصوت بالقرآن والأداء الحسن لأن هذا يؤثر ولأن هذا يليق بالقرآن ولكن لا يكون هذا هو المقصود بل يكون المقصود أن ينتفع الإنسان بالقرآن وأن يستفيد ويخشى إذا سمعه. Donc il dit certes, le fait de faire une belle voix quand on lit le Coran, ça c'est quelque chose de demandé parce que ça a un impact dans celui qui écoute. Et parce que c'est ça qui convient au Coran, à la parole d'Allah Azzawajal. Mais c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que la personne profite du Coran et craigne Allah Azzawajal quand elle écoute le Coran. C'est-à-dire, ce qui est voulu, le fait de faire une belle voix quand on écoute le Coran, ça c'est un sabab. C'est pas ce qui est voulu. Ça c'est un sabab pour qu'on craigne Allah et qu'on applique le Coran. Puisque celui qui lit le Coran avec une belle voix, ça va t'amener plus à l'écouter et à avoir le khushu' et à méditer sur ce qu'il dit, que celui qui le récite avec une voix moins belle ou il fait moins d'efforts dans sa lecture. Donc ça c'est un sabab, mais ce qui est voulu derrière cette cause, c'est d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu an yastami' al-Qur'ana min ghayri, fa kana sallallahu alayhi wa sallam yastami'u ila qira'ati Abi Musa al-Ash'ari wa kana dha sawtin hasan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait écouter le Coran récité par autre que lui, comme il aimait écouter la récitation de Abu Musa al-Ash'ari, qui avait une belle voix. Wa amara Abdullah ibn Mas'ud an yaqra'a alayhi liyastami'a, fa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kayfa aqra'u alayka wa alayka unzil, fa qala sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghayri, fa qara'a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu min awwal suratin nisa' hatta balagha qawluhu ta'ala, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فالتفت إليه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإذا عيناه تذرفان. Et dans un autre hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé à عبد الله بن مسعود رضي الله عنه de lui lire le Coran, et il lui a dit: comment je vais lire le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été descendu? Et il lui a dit: j'aime l'écouter de quelqu'un d'autre que moi. Donc Abdullah ibn Mas'ud s'est mis à réciter les premiers versets de Sourate An-Nisa. Et quand il est arrivé au verset 41, où Allah il cite le fait qu'il ramènera le prophète comme témoin contre sa communauté au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud: hasbouk, c'est-à-dire arrête. Et Abdullah ibn Mas'ud il dit: j'ai regardé le prophète et ses deux yeux étaient plein de larmes, c'est-à-dire en fait il supportait plus la récitation tellement il pleurait à cause des versets. Donc il lui a dit d'arrêter. Donc entre parenthèses aussi, ça montre qu'il n'est pas légiféré de le dire comme beaucoup ils disent sadaqallahu al-azim. Puisque si sadaqallahu al-azim ça se faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui aurait dit sadaqallahu al-azim pour arrêter. Donc le mieux c'est d'éviter cette parole, parce que les gens ils l'ont pris comme une habitude à tel point qu'ils croient que c'est une sunna, alors que ça fait pas partie de la sunna. Il n'y a pas de sunna spécial quand on arrête de lire. Quand on arrête de lire, on arrête de lire. Comme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait qu'Abdullah ibn Mas'ud il arrête, il lui a dit hasbouk. Donc le mieux, c'est que les musulmans ils évitent de répéter à chaque fois qu'ils arrêtent la lecture sadaqallahu al-azim. Fadalla hadha ala annahu yushra'u lil mustami'i lil Qur'ani an yakhsha'a wa la yakuna maqsuduhu huwa at-taladdud faqat, bal il maqsud al-khushu'u min kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith il montre que ce qui est voulu, c'est que celui qui écoute le Coran, il craigne et il khushu', c'est-à-dire il soit humble et craintif envers Allah Azzawajal, et que son but quand il lit le Coran, ce soit pas simplement ce qu'on appelle at-taladdud, c'est-à-dire de jouir d'une belle récitation. Mais ce qui est voulu, c'est d'être humble et craintif à l'écoute de la parole d'Allah Azzawajal. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Donc dans le verset il est dit: lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous afin que il vous soit fait miséricorde. وهذا من آداب المسلمين مع القرآن الاستماع والإنصات. أما الذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن لمجرد التلذذ به فهذا لا يستفيد شيئا، إنما الذي يستفيد هو الذي يخشع من كلام الله سبحانه وتعالى. Donc voilà le comportement que le musulman doit avoir avec le Coran, c'est-à-dire de se taire et d'écouter quand il y a le Coran. Mais celui qui lit le Coran ou qui écoute le Coran simplement pour jouir de la récitation, celui-là il profite rien. Celui qui profite c'est celui qui craint Allah Azza wa Jal, qui profite, c'est-à-dire quand il entend la parole d'Allah. هو الذي يفقه ويتفقه معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعمل بكلام الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا من أجل الرياء والسمعة أو تحسين الصوت أو التلذذ بالأصوات، فهذا كله لا يكفي ولا يفيد، ولا يفيد الإنسان شيئا ما لم يتصف بهذه الصفات العظيمة. Donc c'est celui-là, celui qui va craindre à l'écoute de la parole d'Allah, celui qui comprend les paroles d'Allah, celui qui agit conformément aux paroles d'Allah, qui lit le Coran ou qui écoute le Coran en espérant la récompense d'Allah, pas par ostentation envers les gens ou pour une bonne récitation, ou simplement par plaisir d'améliorer sa voix ou d'écouter des belles voix, il dit ça suffit pas et ça ne profite pas. Celui qui profite, c'est celui qui a ses caractéristiques qu'on a citées, c'est-à-dire d'écouter et d'en profiter la crainte d'Allah et l'humilité et la pratique. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويتدبرونه حق تدبره ويعملون به ويخلصون لله سبحانه وتعالى أعمالهم إنه سميع مجيب. آمين. Donc là c'est une dua du Cheikh, il dit on espère d'être ceux qui ont toutes ces caractéristiques qu'on a citées. خَامِسًا يَجِبُ أَنْ يُصَانُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ أَنْ يُفَسَّرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Cinquièmement, et c'est le dernier point, il faut protéger le Coran contre le fait de l'expliquer sans science. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Dans un hadith qui est dans, donc c'est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et les Sunan de Tirmidhi, le hadith il dit: celui qui parle à propos du Coran selon son opinion, qu'il prépare sa place en enfer. Tout ça, donc, ça c'est une petite parenthèse pour la faïda. Vous allez au début de Tafsir Ibn Kathir et vous lisez. Il y a un gros passage sur ça, avec des hadiths, des paroles des salafs, comment les salafs craignaient de parler sur le Coran, etc. قال الترمذي هذا حديث حسن. فالقرآن يجب أن يفسر بالقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة والتابعين أو بما تقتضيه لغة العربي التي نزل بها هكذا على الترتيب المذكور. أما تفسير القرآن بالرأي فحرام وعليه وعيد شديد وهو من القول على الله بلا علم. Donc il dit ce qu'il faut et ce qui est obligatoire c'est d'interpréter le Coran par le Coran, c'est-à-dire comme on l'a dit, les versets du Coran s'expliquent les uns les autres, puis par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par les hadiths, puis par les paroles des compagnons du prophète, puis par les paroles de leurs successeurs, at-tabi'in. Ou alors, après, par ce qu'implique la langue arabe, dans laquelle est descendu le Coran, c'est-à-dire la langue arabe correcte, qui a notamment des références dans les poèmes de l'époque anti-islamique ou jusque dans les trois premiers siècles de l'islam. Donc il dit selon cet ordre-là, c'est-à-dire le Coran par le Coran par la Sunna, le Coran par les paroles des salafs et le Coran par la langue arabe. Il dit en ce qui concerne, quant au fait d'interpréter le Coran par son opinion, ça c'est interdit et ça c'est celui qui fait ça il est menacé d'un grand châtiment. Et ça fait partie du fait de parler sur Allah sans science, donc ça fait partie des grands péchés. ومن ذلك تفسيره بالنظريات الحديثة التي هي في الغالب من تخرصات الجهال وهي تناقض وتتغير ويكذب بعضها بعضا فلا يجوز أن تجعل تفسيرا لكتاب الله عز وجل. Donc il dit comme les gens maintenant qui font du tafsir avec les choses actuelles, les choses nouvelles, et la plupart du temps c'est des ignorants qui le font, et en plus ça se contredit, et ces découvertes ou ces choses nouvelles elles se contredisent les unes les autres. Il dit donc qu'on n'a pas le droit d'en faire une interprétation du Coran. كما يفعله بعض الجهال اليوم فيما يسمونه بالإعجاز العلمي فإن هذا الأمر جد خطير وهو من التلاعب بكتاب الله عز وجل. Il dit comme ce que font certains ignorants maintenant, qu'ils appellent l'i'jaz al-ilmi, c'est-à-dire le miracle scientifique du Coran. Il dit ça, c'est joué, ça c'est très dangereux, et c'est joué avec le livre d'Allah Azza wa Jal. فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْحَذَرُ مِنْ ذَلِكَ وَالْتَحْذِيرُ مِنْ. Ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de craindre cette chose et de mettre en garde contre cette chose. Donc ici, Cheikh, sa parole, elle est dure parce que quand vous regardez ces gens qui font l'i'jaz al-ilmi, c'est-à-dire ils ont une bonne niya. Ils disent, ouais, c'est pour appeler les non-musulmans à l'islam. Mais le problème, c'est qu'ils vont interpréter le Coran. Ils vont dire, voilà, tel verset, il montre telle découverte scientifique. Donc, sans preuve d'Allah Azza wa Jal, parce qu'on n'a aucune preuve comme quoi Allah il visait cette chose-là quand il parlait. Et puis, dans 50 ans, les scientifiques, ils vont dire, non, finalement, ça c'était qu'une théorie. On s'est trompé, en fait, comme pour le Big Bang. Combien il y en a, ils ont dit, ouais, dans le Coran, il y a le Big Bang. Parce qu'Allah a dit, on a créé les cieux et la terre, et après on a fait une explosion et tout. Et les scientifiques maintenant, en 2008, ils disent, le Big Bang finalement c'est une théorie qu'on n'accepte plus, etc. Donc t'as l'air de quoi maintenant? Toi qui as tout misé sur le Big Bang, de quoi t'as l'air? Etc. Donc ça c'est pas quelque chose, c'est-à-dire les musulmans ils doivent se contenter du fait que le Coran, ses significations elles sont énormes. C'est-à-dire c'est une langue arabe claire. Et croire comme ils croyaient les musulmans jusqu'à maintenant, sans l'i'jaz al-ilmi. C'est-à-dire, il y a certaines choses, c'est vrai, il y a l'i'jaz al-ilmi dedans, comme par exemple le hadith ibn Mas'ud, qui détaille l'étape de l'embryon, ça c'est quelque chose qu'on voit, il n'y a pas de théorie dedans. Ça ne nous parle pas des choses qui sont à des années-lumière, et c'est des non-musulmans qui nous informent. Non, là c'est quelque chose que, si on regarde avec les radios et tout, on le voit, donc c'est pas pareil. Mais des théories, ou alors des choses qui nous parlent de l'univers, et ce n'est pas des musulmans qui nous en informent. On ne sait pas s'ils disent vrai, s'ils mentent. Si peut-être derrière, ils ont un but, une idéologie qu'ils défendent, etc. On ne peut pas baser ça pour interpréter la parole d'Allah. C'est-à-dire la parole d'Allah, elle est au-dessus de tout ça. Et souvent, malheureusement, tu trouves les gens. Ils vont à fond dans ça. Et si tu lui demandes ça veut dire quoi, l'hamd, il ne sait pas t'expliquer. Ou alors c'est quoi Rab, la différence entre Allah et Ar-Rab dans la signification. Pourquoi des fois Allah il dit Allah et des fois Ar-Rab? Est-ce que ça veut dire exactement la même chose ou est-ce qu'il y a une nuance? Il te dit, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Hamid? Il dit, je sais pas. Donc les choses les plus simples du Coran, il sait pas. Et il va chercher le Big Bang ou les dinosaures dans le Coran, les extraterrestres. Ça convient pas aux musulmans. Donc Cheikh, il dit, وَفَقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِلْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. Maintenant, il y a des questions qui ont été posées au Cheikh à la fin de la conférence, donc comme on a le temps, on va les lire, Inch'Allah. السؤال الأول ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما معنى هذا الحديث. Donc les questions elles sont très bien, je les ai lues avant de venir. C'est très profitable. La première question, il dit, donc celui qui pose la question, il dit, il y a un hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, j'ai vu les péchés de ma communauté, et je n'ai pas vu un péché plus grand qu'une sourate ou un verset qu'un homme a eu, et ensuite il l'a oublié, c'est-à-dire d'oublier le Coran. Donc il dit, quelle est la signification de ce verset? Ici, c'est bien dans la marge, il dit, en fait, ce hadith, il est dans le Sunan d'Abi Daoud et de Tirmidhi. Donc le cheikh répond au jawab, انا لا اعرف هذا الحديث ولم اطلع عليه ولكن النسيان على قسمين. Donc premièrement, le cheikh dit, je connais pas ce hadith. Il dit, mais le fait d'oublier, c'est de deux sortes. الاول اذا كان ذهولا او بسبب مرض اصاب الانسان فهذا لا يؤاخذ عليه. La première, c'est si c'est à cause d'une maladie, de quelque chose qui a touché la personne, donc ça l'a occupé, à cause de ça il a ou une perte de conscience, etc. Et ça, la personne n'est pas blâmée pour ça, parce que c'est pas de sa faute. والثاني إذا كان بسبب الإعراض عن تلاوة كتاب الله فهذا يؤاخذ عليه لأنه نسيه بسبب الإهمال. La deuxième sorte, c'est quand il oublie parce qu'il s'est détourné de la lecture du livre d'Allah Azza wa Jalla, donc celui-là il sera blâmé parce qu'il l'a oublié à cause de sa propre négligence. السؤال الثاني, donc la deuxième question. فضيلة الشيخ إني أحاول أن أقرأ القرآن الكريم وأحب كتاب الله كثيرا ولكن صدري يضيق علي فلا استطيع ان اكمل التلاوه فما هو الحل. Ici il dit, Cheikh, j'essaye de lire le Coran et j'aime beaucoup le Coran, mais quand je lis, ma poitrine elle se serre et j'arrive plus à lire et j'arrête. Alors quelle est la solution ? الجواب الحل فيما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Donc Cheikh dit la solution elle est dans ce qu'Allah nous a montré en disant lorsque tu lis le Coran demande la protection d'Allah contre le diable car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient à Allah et qui s'en remettent à Allah. Son pouvoir est seulement sur ceux qui se tournent vers lui, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris comme partisan, et ceux qui l'associent à Allah. Arshadana Allah subhanahu wa ta'ala qabla an natluwa al-Qur'ana an nasta'idha billahi min ash-shaytani ar-rajim min ajli an yatruda Allah anna hadha al-aduwa wa an yub'idahu anna. Donc il dit Allah, il nous a conseillé, avant qu'on lise le Qur'an, de lui demander protection contre le diable, pour qu'il l'éloigne de nous, qu'il éloigne cet ennemi de nous. وَعَلَيْكَ بِالتَّدَبُّرِ فَإِنَّكَ إِذَا تَدَبَّرْتَهُ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَجْلِبُ لَكَ الْخُشُوعَ وَيُرَغِبُكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Donc il dit aussi, il faut que tu réfléchisses, tu médites sur le Coran, parce que quand tu médites sur le Coran, ça t'emmène à الخشوع, c'est-à-dire la crainte, l'humilité, et ça te donne envie de lire. ولا يكون كل همك إكمال السورة أو ختم الجزء أو ما أشبه ذلك. Et que ton but ça soit pas seulement de finir la sourate ou de finir telle partie du Coran. بل يكون مقصودك هو التدبر والتفكر فيما تقرأ من آيات الله سبحانه وتعالى. Ton but ça doit être de réfléchir sur ce que tu lis des versets d'Allah. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل. ولا يمر على آية رحمة إلا وقف وسأل الله ولا يمر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ بالله مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بتدبر وحضور قلب. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il allongeait beaucoup sa récitation dans la prière la nuit, et quand il lisait un verset qui parle de la miséricorde d'Allah, il s'arrêtait et il demandait la miséricorde d'Allah. Et quand il passait par un verset qui mentionne le châtiment d'Allah, il s'arrêtait et il demandait la protection d'Allah. Ce qui prouve qu'il lisait, il réfléchissait sur ce qu'il est en train de lire. Et il prenait son temps. Donc ça c'est pour ça que tout à l'heure je faisais la parenthèse, quand Cheikh disait le mieux, au minimum il faut lire le Coran tous les mois, il ne faut pas faire du turbo. C'est-à-dire vaut mieux tu lis 5 pages ou un hizb par jour comme ça, c'est-à-dire tu les lis en salat par exemple la nuit, avec, à chaque fois tu t'arrêtes et tu fais des du'a, ou alors les versets tu les répètes plusieurs fois, tu médites bien dessus, peut-être tu vas même pleurer, que tu vas lire deux hizb, et puis à la fin, on dirait que t'as couru un footing. T'es essoufflé, t'en peux plus, t'as envie de boire de l'eau, t'as rien réfléchi. Si je te disais qu'est-ce que t'as lu là, tu vas dire, bah je sais pas, j'ai lu le Coran, mais je sais plus ce qu'il y avait dedans, etc. Donc le mieux c'est ça. Et même pour la mémorisation, c'est-à-dire il faut pas croire que par exemple une personne, elle va se dire, moi je vais le lire le plus possible, comme ça, ça va rentrer. Si tu le répètes comme ça sans réfléchir, ça rentrera pas. Quand tu réfléchis, même si c'est moins, ça rentre mieux. Parce que tu as réfléchi sur ce que tu dis. سؤال آخر فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله ما نصيحتكم للشباب في أسهل طريقة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. Lady, Cheikh, quel est votre conseil pour les jeunes? C'est-à-dire, quel est votre conseil vis-à-vis de la façon la plus simple pour mémoriser le livre d'Allah? الجواب, القرآن ميسر وسهل الحفظ. Donc Cheikh dit premièrement, le Coran il est facile à mémoriser. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Comme dans sourate Al-Qamar, Allah dit, nous avons facilité le Coran pour le rappel. وشأنه في عزيمة الإنسان وصدق نيته فإذا كان لديه عزيمة صادقة وإقبال على القرآن فإن الله ييسر له حفظه ويسهله عليه. Donc tout revient à l'intention de la personne et la motivation de la personne. Si la personne elle est vraiment motivée et que vraiment elle se tourne vers le Coran, alors Allah il va lui faciliter la mémorisation du Coran. Wa hunaka umurun tusa'idu ala hifdhihi ka takhsis waqtin munasibin fi kulli yawm tahdhuru ma'a mudarris al-Quran fi al-masjid walhamdulillahi al-mudarrisuna al-yawma kathirun wa la tajidu hayyan min al-ahya'i إلا وفيه من يدرس القرآن وهذه فرصة عظيمة ما كانت موجودة في الزمان السابق. Il dit aussi, il y a d'autres choses qui aident, c'est aussi que tu spécifies, tu consacres un temps précis chaque jour à ça, avec lequel tu t'assois avec ton professeur de Coran à la mosquée. Et Cheikh dit, grâce à Allah maintenant, ceux qui enseignent le Coran, ils sont très nombreux, tu ne trouves pas un quartier sans trouver quelqu'un qui enseigne le Coran dans ce quartier. Et il dit, c'est une grande chance qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, bien sûr, c'est dans son pays à lui. Et c'est vrai, quand on va là-bas, vous voyez par exemple au Masjid Nabawi, si vous allez au Asar, dans le fond de la mosquée, donc bien sûr c'est immense, il y a peut-être 100 ou 2, c'est-à-dire tu ne peux pas les compter, des halaqat de petits. Des petits entre 5 et 15 ans, comme ça. Ils sont à chaque fois 5 ou 10 autour d'un shir, et ils récitent le Coran. C'est-à-dire chacun il apprend sa partie, après il récite devant le shir. Et il y a aussi pour les femmes, ce qu'ils appellent tahfidh, c'est très très développé en Arabie Saoudite. L'apprentissage du Coran. Donc il dit فعلى الأخ أن يختار أي حلقة من الحلقات أو أي مدرس من المدرسين ويلازم الحضور معه يوميا إلى أن يكمل القرآن. Donc il dit, il convient aux frères de choisir un cercle parmi les cercles du Coran et un professeur parmi les professeurs, et il reste assidu au fait d'être présent chaque jour avec lui jusqu'à ce qu'il finisse le Coran. وأيضا عليك أن تكثر من استعادة ما قرأت مرة ثانية وثالثة حتى يثبت في قلبك وذاكرتك. Aussi il faut répéter beaucoup ce que tu as appris une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'il reste bien dans ton cœur et dans ta mémoire. وعليك بالعمل بكتاب الله فإنه أعظم وسيلة لتعلمه. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Et aussi d'agir et d'appliquer ce que tu as appris, et ça c'est le plus grand des moyens pour apprendre le Coran, puisqu'Allah il a dit craignez Allah et Allah vous apprendra, et Allah sait toutes choses. Donc aussi, si on pouvait rajouter, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai vu moi autour de moi, les étudiants, tout ça, c'est surtout d'apprendre si tu peux apprendre une page par jour, eh ben fais une demi-page ou un tiers de page. Si tu peux apprendre une demi-page, fais 5 lignes ou 4 lignes. Fais toujours moins que ce que tu crois pouvoir faire. Parce que tu vas faire, mais après ça va s'accumuler, tu crois que tu as récité, et comme nous on est de France, on est des fainéants, ça veut dire on n'est pas des Indiens ou des Yéménites. Eux, ils prennent la page, ils la récitent 200 fois, 300 fois. Mais billah alaykoum, qui d'entre nous il va faire ça? Personne il va le faire. Oh, toi tu vas réciter 20 fois, après ça y est, t'en as marre, ou t'as le sport, ou t'as le travail, ou t'as autre chose. Donc prends même 2 lignes, 3 lignes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, le Coran c'est pas une compétition. C'est pas le premier qui l'a appris. C'est toi avec Allah Azzawajal. Puisqu'on connaît le hadith qui dit, au jour du jugement, c'est-à-dire que si je te demande pourquoi tu veux apprendre le Coran, déjà il faut que tu te poses la question à toi-même. Pourquoi je veux apprendre le Coran? Est-ce que c'est pour qu'après je dis, ça y est, je suis hafiz al Coran? Ça sert à rien. Ou pour que les gens ils disent t'es hafiz al-Qur'an, tu vas prier le Tarawih devant nous, et tu leur fais écouter ta belle voix, ça sert à rien. Il faut que la réponse ça soit parce que, par exemple, je connais le hadith qui dit, au jour du jugement, celui qui lit le Qur'an, on va lui dire lis jusqu'au dernier verset que tu connais, et à chaque fois il monte en degré. Donc celui qui connaît tout le Qur'an, il va monter au maximum. Il va monter tous les degrés pour cette récompense-là. Etc. Ou alors pour l'aim, puisque le Coran c'est l'aim, donc si on fait talab l'aim, la première science à acquérir c'est le Coran. C'est pas simplement. Donc le muhim c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Si tu dois l'apprendre en 10 ans, alhamdoulilah, 10 ans c'est pas beaucoup. 10 ans ça passe vite. Si tu dois l'apprendre même en 20 ans, si tu as 30 ans, ben 50 ans tu seras bien content de connaître tout le Coran. Ça veut dire, il faut pas, la plupart d'entre nous, surtout ceux qui partent voyager par exemple, ils tombent dans le piège, ils se disent. Voilà, par exemple, j'ai 2 ans, j'apprends le Coran. 3 ans, 3 ans, j'apprends le Coran. Et puis 10 ans après, tu le vois. Alors le Coran, bah, j'ai tout oublié. Pourquoi? Parce que t'as voulu aller trop vite. Donc c'est bien la première année, tu vas connaître le Coran. Et puis 2 ans après, tu le connais plus. Parce que le Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est comme le chameau. Il s'en va vite de ses attaches. Donc il faut le réciter beaucoup. Donc toi, au début de l'islam, comment t'as connu « Qul huwa Allahu Ahad » comment t'as connu le Fatiha? C'est parce que tu l'as récité tous les jours. Et puis c'était petit. Et bien, fais pareil avec tout le reste du Coran. Apprends aujourd'hui un tiers de page ou trois lignes. Demain, tu apprends le suivant. Et par exemple, le week-end, tu fais une pause. Tu n'apprends plus rien. Jusqu'à ce que, et tu passes pas à une page, c'est-à-dire à une sourate ou à un morceau, tant que le morceau précédent, tu ne le récites pas comme tu récites la Fatiha. Ça, c'est le plus grand conseil pour mémoriser le Coran. Si tu ne sais pas réciter, par exemple, tu as appris le Baqara, faut que tu me récites Baqara comme le Fatiha, sinon tu passes pas à l'Imran. Ça sert à rien. Après, tu vas accumuler des sourates que tu connais que à peu près, et à la fin, tu vas retirer rien du tout. Je vais te dire le verset, ou alors on va te dire fais salat, je peux pas parce que quand je lis une page, j'ai toujours un ou deux oublis. Il fallait mieux aller doucement. Après, une autre question, il dit ici, فضيلة الشيخ حفظك الله التفاسير كثيرة فما هو التفسير الذي تنصح بقراءته وجزاك الله خيرا. Donc là il dit les livres de tafsir, l'interprétation du Coran, ils sont nombreux. Donc quel est le livre, quelle est l'interprétation que vous conseillez de lire, qu'Allah vous récompense? Donc il est ici dans la réponse. لا شك أن التفاسير كثيرة والحمد لله وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. Il dit donc, sans aucun doute, les livres d'interprétation, ils sont très nombreux, grâce à Allah, et ça fait partie des bienfaits d'Allah. والتفاسير متفاوتة منها المطول ومنها المختصر ومنها التفسير السالم من الأخطاء ومنها التفسير الذي فيه أخطاء ولا سيما في العقيدة. Donc il dit, les livres de tafsir, ils sont très divergents les uns des autres. Il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont résumés. Il y en a dans lesquels il n'y a pas de faute. Il y en a dans lesquels il y a des fautes, surtout dans la aqida. وَالَّذِي أَنْصَحُ بِهِ إِخْوَانِ مِنَ الشَّبَابِ هُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ التَّفَاسِيرِ وَأَحْسَنِهَا طَرِيقَةً وَمَنْهَجًا بِالرَّغْمِ مِنْ اخْتِصَارِهِ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ثُمَّ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ ثُمَّ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ التي نزل بها فهو تفسير متقن وموثوق. Donc il dit, ce que je conseille à mes frères parmi les jeunes, c'est Tafsir Ibn Kathir. Il dit, c'est le meilleur des livres d'interprétation dans sa voix et dans son minhaj, c'est-à-dire dans la façon d'interpréter et dans la voix qu'il emprunte, malgré qu'il soit résumé. Puisqu'il interprète le Coran par le Coran, puis par la Sunna, puis par les paroles des salafs, puis par ce qu'implique la langue arabe dans lequel il est descendu. Donc c'est un tafsir mutqan, c'est-à-dire vraiment appliqué, perfectionné, et un tafsir de confiance. Là on peut faire une parenthèse aussi, c'est-à-dire pour faciliter toujours aux gens, inshallah, c'est que il y a un livre qui existe, ça s'appelle Umdatu Tafsir an al-Hafiz Ibn Kathir de Ahmed Shakir, le muhaddith égyptien rahimahullah. Donc il a fait un résumé d'Ibn Kathir. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la difficulté pour quelqu'un comme nous quand on lit Ibn Kathir, c'est que il y a beaucoup de hadiths avec les chaînes de transmission. Des fois, il y a des israéliettes, c'est-à-dire des récits tirés des juifs. Et on ne sait plus distinguer les hadiths, ça fait long, etc. Lui, ce qu'il a fait, il a enlevé les israéliettes, il a enlevé les chaînes de transmission. Quand il y a beaucoup de hadiths sur le même sujet, il les enlève, il met les hadiths les plus authentiques, comme dans le Bukhari, Muslim, etc. Et il laisse les paroles d'Ibn Kathir sur l'interprétation. Par contre, je ne sais pas s'il l'a fini. Parce que j'ai déjà entendu comme quoi la fin, en fait, c'est son élève qui l'a fait, mais ça, je ne sais pas, il faut vérifier. Donc, ça s'appelle Umdatu Tafsir, Anil Hafid Ibn Kathir, c'est en trois volumes. Ensuite, Cheikh, il dit, وَأَيْضًا هُنَاكَ تَفْسِيرُ الْبَغَوِي وَتَفْسِيرُ الْحَافِذِ ibn جَرِيرِ الطَّبَرِي. Il dit, il y a aussi le tafsir de Al-Baghawi et le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari. فهو تفسير واسع وشامل فهذه التفاسير موثوق بها. Il dit aussi le tafsir, donc il dit le tafsir de Tabari, c'est un tafsir lui très large et qui englobe tout ce qu'il y a à dire. Et c'est donc ça, ce sont des tafsirs sur lesquels il y a, c'est-à-dire en lesquels on peut avoir confiance. Donc le tafsir de Ibn Kathir, Al-Baghawi et Tabari. وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي فهو تفسير جيد وسهل العبارة غزير العلم. Il dit aussi le tafsir de Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, donc ça s'appelle Tafsir al-Karim al-Mannan. Il dit c'est un bon tafsir simple, c'est-à-dire qui est simplement la langue dedans, elle est simple, et vu qu'il y a beaucoup de sciences dedans. أما بقية التفاسير فهي تجيد في بعض النواحي ولكنها فيها أخطاء ولا سيما في العقيدة. Il dit, mais tout le reste des tafsirs, elles peuvent être bien dans certains domaines, mais il y a des fautes dedans, surtout dans la aqidah, dans le dogme. ولا يصلح أن يقرأ فيها إلا الإنسان المتمكن بحيث يأخذ منها ما فيها من الخير ويتجنب ما فيها من الخطأ. Il dit, il ne convient pas à la personne de lire, sauf quelqu'un qui a un bagage dans la science, à tel point qu'il prenne. C'est-à-dire une personne qui peut prendre ce qui est bien dedans et délaisse ce qui est mauvais dedans. لكن المبتدئ لا يستطيع هذا. Mais le débutant, il ne peut pas faire ça. فعليه أن يأخذ التفسير الذي ليس فيه مزالق وليس فيه أخطاء مثل تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الحافظ ابن جرير وكلها تفاسير والحمد لله قيمة وجيدة. Donc il dit, il faut qu'il prenne, donc le débutant, comme nous, il faut qu'il prenne les tafsirs dans lesquels il n'y a pas de faute, il n'y a pas de déviance, comme les trois tafsirs qu'il a cités. Donc, le tafsir de Tabari, il est un peu grand, et pareil aussi, il y a encore plus de chaînes de transmission, tout ça, que dans Ibn Kathir. Donc, cinquième question. ما هي أهم الدروس التي يبدأ بها طالب العلم وبماذا تنصحه؟ وماذا تقول لمن يتعلل بالدراسة حينما نريد أن نصابه إلى حضور الدروس والمحاضرات؟ Donc quels sont les cours les plus importants par lesquels l'étudiant doit commencer et qu'est-ce que vous nous conseillez à dire à ceux qui disent que quand on veut les amener à des cours ils disent non on a dirasa, c'est-à-dire on a nos études, c'est-à-dire ils veulent pas venir, ils disent qu'ils ont pas le temps. Donc il dit أولا طالب العلم يجب عليه أن ينضم إلى أحد المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. Donc en fait là je vais vous résumer vite fait la réponse du Cheikh parce qu'elle nous elle nous concerne pas. Il dit l'étudiant en sciences il faut qu'il rejoigne les écoles qui sont sous la direction de l'école de l'université Mohammed ibn Saoud. Donc là il parle à Riyad en fait. Il dit parce que en fait c'est des classes qui sont faites par échelon. C'est-à-dire quand tu fais un niveau, le deuxième niveau il est plus dur que celui d'avant et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu t'échelonnes et tu vas en degré, tu progresses bien. Et ensuite quand il finit tout ça, il rentre en faculté. Faculté de da'wah, faculté de langue arabe, faculté de hadith. Donc là bien sûr il parle pour les gens qui sont là-bas. Et s'il dit s'il peut pas, donc par exemple il dit ici... وبإمكان طالب العلم الذي لم يلتحق بهذه المعاهد وهذه الكليات أن يجد مجالا له في دروس العلماء الذين يدرسون في المساجد. Il dit celui qui ne peut pas rentrer dans ce genre d'école, eh ben, il faut qu'il aille dans les écoles, dans les cours des mosquées, les cours des ulama. وهذه والحمد لله كثيرة. Il dit grâce à Allah elles sont nombreuses. Donc là encore c'est pour Riyad. وهذه الدروس شاملة لجميع العلوم الشرعية. وأوصي طالب العلم لا سنكسرني دي وأوصي طالب العلم بأن يلازم هذه الدروس سواء في الكليات أو في الدروس التي تلقى في المساجد. Il dit je conseille à l'étudiant en sciences d'être accroché et assidu à ses cours, que ce soit les cours en faculté ou les cours à la mosquée. فلا يكفي منه أن يحضر في أسبوع ويتغيب في أسابيع ويحضر شهرا ويتغيب شهورا. Il dit ça suffit pas qu'il vienne une fois dans la semaine et après il manque pendant des semaines ou il vient pendant un mois et après il manque pendant des mois. فَإِنَّ هَذَا لَا يَسْتَفِيدُ شَيْئًا. Celui-là il profitera rien. لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ يَبْقَى فَرَاغًا فِي ذَاكِرَتِهِ وَمَعْلُومَاتِهِ وَيَفُوتُهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ فَشَأْنُهُ فِي الْمُلَازَمَةِ وَالْإِقْبَالِ وَالْحِرْصِ. Parce que s'il manque quelque chose il lui manquera la science et ça partira de sa mémoire. Donc tout est dans le fait d'être assidu. Donc c'est bien, c'est l'Isha là. Donc on va s'arrêter là, inshallah. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.